J'arrive sur Beyoncé, sur télécam et commence à filmer. Sur ce tempo, j'ai vous donné une démonstration d'un métal en caché. Mais c'est le moment, là c'est le moment de tout donner. Je vais montrer les mouvements, sortir les gros bras, sortir les gros bras. J'ai parti l'énergie dans un tour de magie. J'éveille tous les cardiaques sur un son qui a de l'impact. Sur ce son, les bouches tâtées, mes dessins se sentent l'éveil. Tête sur tes corps, mouvement d'épaule, tout le monde va voir que t'as le contrôle. Et c'est le moment de te lever, de monter sur le podium. Ouais mon gars, c'est le moment de montrer que t'es un bonhomme. Ok, vas-y, let's go. Tu vas vers le doyau, à tel qu'il tient cadeau. Un groupe de meufs alcoolisés, cherche un mec pour le serrer. Ok. J'ai parti l'énergie comme dans un tour de magie. J'ai fait tous les cardiaques sur un son qui a de l'impact. Sur ce son, les bouches tâtées, mes dessins se sentent l'éveil. Tête sur tes corps, mouvement d'épaule, tout le monde va voir que t'as le contrôle. Tout le monde va voir, tout le monde va voir, tout le monde va voir que t'as le contrôle. Tout le monde va voir, tout le monde va voir, tout le monde va voir que t'as le contrôle. Tout le monde va voir, tout le monde va voir, tout le monde va voir que t'as le contrôle. Tout le monde va voir, tout le monde va voir, tout le monde va voir que t'as le contrôle. C'est la grosse soirée, dans son groupe faut du trembler. Viens faire ta démo, monte droit, mouvement, rend tout le monde accro. Jump break, fais du smurf dance. Jump dance, enflamme toute la piste de dance. J'ai parti l'énergie, dans un tour de magie. J'ai fait tous les cardiaques, sur un son qui a de l'impact. Sur ce son, les bouches tâtées, mes dessins se sentent éveillés. Tête sur tes corps, mouvement d'épaule, tout le monde va voir que t'as le contrôle.